Chapitre 4. Un mois plus tard, une chapelle de marbre s'élevait sur le tombeau de la défunte. Sur celui du postillon, il n'y avait pas encore de pierre. Seule l'herbe verte couronnait le tertre, unique indice qu'une vie humaine avait fini là. « C'est mal à toi, Serioja, » dit un jour la cuisinière dans le relais. « C'est mal de n'avoir pas acheté la pierre pour Fédor. Tantôt c'était à cause de l'hiver. Et maintenant, pourquoi ne tiens-tu pas ta parole ? Ça a été convenu devant moi. Il est déjà revenu une fois te la demander. Si tu ne l'achètes pas, il reviendra et t'étouffera. » « Voyons, est-ce que je refuse ?» répondit Serioja. « J'achèterai la pierre, comme je l'ai promis. Je l'achèterai pour 1,5 rouble. Je n'ai pas oublié, mais encore faut-il la porter. Quand il y aura une occasion pour la ville, je l'achèterai. » « Si au moins tu lui mettais une croix, » ajouta un vieux postillon. « Vrai, ce n'est pas bien, tu portes ses bottes. » « Où la prendrai-je, la croix ? Je ne peux pas la faire avec une bûche. » « Qui te parle de bûche ? Prends la hache, va dans le bois et coupe-en une. Il n'y a qu'à abattre un petit frêne et tu auras ta croix. Va de bonne heure, sinon il faudra encore donner de l'eau de vie aux gardes. Ce n'est pas la peine de payer à boire pour chaque bêtise. Tiens, l'autre jour j'ai cassé une volée. J'ai coupé une branche, je m'en suis fabriqué une nouvelle et personne n'a soufflé un mot. » De grand matin, presque avant le jour, Serioja prit la hache et alla au bois. La rosée tombait encore, étendant sur tous les objets un voile mat et glacé que le soleil n'avait pas éclairé. L'Orient blanchissait faiblement, reflétant sa pâle lumière sur la voûte du ciel, ouatée de légers nuages. Rien ne remuait, ni un brin d'herbe sur le sol, ni une feuille sur les branches hautes des arbres. De loin en loin, un battement d'ailes dans le fourré, un bruissement à ras de terre troublait seul la paix de la forêt. Soudain, un bruit singulier, qui n'appartenait pas aux voix de la nature, retentit et mourut sur la lisière du bois. Le bruit s'éleva de rechef et se répéta à intervalles égaux. Il partait du pied d'un des arbres immobiles. Une décime frissonna subitement. Ses feuilles gonflées de sève murmurèrent quelque chose. Une fauvette, perchée sur une des branches, siffla, volta à deux reprises et se posa sur un autre arbre, la queue éployée. La hache frappait au pied du tronc, toujours plus sourdement. Les copeaux blancs et résineux volaient sur l'herbe mouillée. Un léger craquement succéda au coup sourd. L'arbre tressaillit de tout son corps, s'inclina et se redressa vivement, chancelant, épouvanté sur ses racines. Il y eut un instant de silence. L'arbre s'inclina de nouveau, un second craquement gémit dans le tronc, et broyant ses jeunes pousses, précipitant ses branches, il s'abattit tout de son long sur la terre humide. Les bruits de hache et de pas expirèrent. La fauvette siffla et s'envola dans l'espace. Le rameau qu'elle avait effleuré de ses ailes trembla une seconde et retomba inanimé comme les autres, avec toutes ses feuilles. Les têtes immobiles des arbres resplendirent plus joyeusement dans la trouée qui leur était ouverte. Les premiers rayons du soleil, perçant le nuage qui les interceptait, éclatèrent dans le ciel, illuminant la terre et l'espace. Le brouillard se tassait en vagues au creux des vallées. Des perles de rosée brillaient dans la verdure. Les nuées blanchâtres, nacrées, hâtaient leur fuite sous la voûte bleue. Les oiseaux bruissaient dans le fourré. Et comme affolés gazouillaient on ne sait quoi d'heureux. Les feuilles luisantes chuchotaient des secrets joyeux et paisibles. Les branches des arbres vivants frissonnaient doucement, majestueusement, au-dessus de l'arbre mort gisant à terre.